Issa Diawara, on observe de plus en plus une offensive diplomatique chinoise depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Est-ce que cette actualité s'inscrit selon vous dans l'agenda international du président chinois qui lui a décidé de faire quelque chose qu'on avait pu vu depuis longtemps? Vous l'avez dit, vous ne savez pas qu'on date un important don de matériel militaire venant de la Chine à un pays africain, et voilà que cela a été fait. Des dons de qualité, il faudra le rappeler. Alors, selon vous, quelle analyse est-ce que vous faites de ce don de matériel fait notamment par la Chine, je le disais tantôt, qui observait une offensive diplomatique depuis, bien sûr, l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir? Ok, merci beaucoup. D'abord, il y a une bataille qui se joue au niveau mondial, une bataille à laquelle l'Afrique n'échappe pas. C'est la première des analyses, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire quoi? J'essaie un peu de m'expliquer. La Chine aujourd'hui se positionne pour, bien sûr, devenir leader mondial. Mais la Chine ne vient pas seule à la tête de ce classement, il y a un consortium, il y avait un groupe d'États, bien sûr, au rang desquels ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire quoi? La Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui est bien sûr un État, un pays africain. À cela, d'autres pays aussi sont en train de s'approcher, d'autres pays arrivent. Il y a plutôt un ensemble de nations qui comptent venir, bien sûr, à la tête de ce qu'on appelle ce rang mondial. Et maintenant, c'est quoi la place de l'Afrique dans ça? C'est que l'Afrique est un moteur du changement qui est en train d'être opéré. Beaucoup d'États africains essayent de ne pas manquer le rendez-vous. Et c'est là, surtout, que moi, j'interviens. Pour moi, l'Afrique ne doit pas rater ce rendez-vous, parce qu'il y a une réelle bataille géopolitique aujourd'hui qui se joue au niveau mondial sur tous les terrains. Sur le terrain militaire, cela se joue au Mali, en Syrie, en Ukraine, un peu partout. Sur le plan économique, c'est cette grande bataille pour la dédollarisation qui est en cours. Et sur le plan énergétique, vous voyez comment les pays de l'OPEP plus tombent d'accord et essayent de baisser la production du pétrole. Longtemps, des pays comme la Chine ont été absents sur ce qu'on appelle la vente du pétrole aux autres pays. La vente des armes aux autres pays. Si la Chine accepte aujourd'hui de vendre les armes, c'est bien sûr parce que ces pays aussi connaissent les mêmes ennemis que la Chine, que la Russie au niveau mondial. Et quels sont ses ennemis? C'est bien sûr l'OTAN. Et qui parle de l'OTAN? Il s'agit de cet ensemble aussi de pays menés aujourd'hui, portés par l'hégémonie américaine, qui veulent imposer leur mode de vie, leur savoir-faire et leur civilisation aux autres, à l'humanité tout entière. Et c'est là que les autres ne sont pas d'accord. Pourquoi les autres seront-ils obligés d'abandonner leur mode de vie au profit de celui incarné par les Américains qui pourtant n'ont pas aussi cette longévité sur Terre, depuis quand les Américains sont sur Terre? Donc il y a ce problème, et les Chinois ont besoin des partenaires. Et bien sûr, ils ne vont jamais réussir face aux Occidentaux sans se faire des alliés au niveau de l'Afrique. Et nous aujourd'hui, c'est là que je rejoins un peu, appelant, mais peut-être apporter un peu d'éclaircissement. Quand il dit que les Africains doivent eux-mêmes fabriquer les armes, nous sommes tout à fait d'accord. Mais pour fabriquer des armes, il faut d'abord être à mesure de se sécuriser. Il y a des étapes d'abord pour fabriquer des armes. Vous créez tout ce qui existe de fabrication d'armes sans avoir suffisamment d'armement capable d'abattre des aéronefs, bien sûr, de l'Occident, de l'OTAN, mais dites-vous, ils vont bombarder vos usines d'armement en un seul jour. L'exemple le plus frappant, c'est quoi? Quand la Corée du Nord a commencé de fabriquer un réacteur nucléaire, bien sûr, avec les Syriens, mais l'Israël est venu bombarder cela. Cela est même arrivé en Irak. Et des réacteurs nucléaires irakiens ont été bombardés pendant qu'ils étaient encore en chantier par des Israéliens. Tout simplement parce qu'à l'époque, l'Irak n'avait pas suffisamment de systèmes de défense anti-aérienne ou bien des systèmes pouvant riposter et frapper, bien sûr, des localités telles que la ville et une partie de Jérusalem et des villes comme Ashdod, d'autres villes bien sûr d'Israël. Donc c'est resté comme ça, lettre morte. Permettez aux États africains de s'appuyer sur des partenaires faibles, fiables, désarmés, de se sécuriser et bien sûr de commencer nous-mêmes à produire nos propres armes. Pour produire une arme chez toi, il faut d'abord être à mesure de sécuriser ta maison. Parce qu'on doit sécuriser ce qu'on appelle notre industrie. On doit sécuriser notre production. Si vous n'êtes pas sécurisé, malheureusement, ce serait un investissement bain, parce qu'un beau jour, un petit groupe de rebelles pourra, bien sûr, au nom de l'Occident, venir, bien sûr, occuper, en tout cas, ou bien s'approprier de vos usines. On a vu au Soudan comment certains groupes rebelles arrivent aujourd'hui à s'approprier des bases militaires, des bases aériennes. Au Mali, l'attaque de Sévaré. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous avons constaté que l'Occident, derrière la fameuse mercenaire, a voulu prendre le contrôle de la base aérienne de Sévaré, où se trouve le drone TBT Baïkata acheté à la Turquie, et où se trouvent bien sûr des avions de chasse et de combat du Mali, parce que c'est la deuxième grande balle qui a tué le plus de docteurs aériens. Si c'était le cas, ça n'était fini. Pour empêcher cette attaque, l'armée malienne s'est appuyée sur des armes achetées à la Russie et à la Chine. Donc, il faut encore acheter d'autres armes pour permettre non simplement de sécuriser d'abord l'intérieur, en tout cas, des frontières du Mali, mais être en mesure de sécuriser tout ce que le Mali doit établir en vue de productivité. Que ce soit en termes d'armement, que ce soit en termes d'industrie, la transformation des produits que nous allons, en tout cas, et cultiver ici, il faut être en mesure de sécuriser non seulement le territoire de Malien, mais être en mesure de sécuriser les ambitions du Mali. Et cela est valable pour tous les pays africains. Vous voulez vous développer, dotez-vous des moyens pouvant vous permettre de sécuriser votre développement. Vous voulez vous armer, vous voulez fabriquer des armes, dotez-vous des moyens pouvant sécuriser vos usines d'armement pour qu'un jour, quelques groupuscules de rebelles que l'Occident va vous envoyer à partir d'une frontière du Niger ou une autre frontière ne puisse venir mettre la main, bien sûr, sur tout ce que vous aurez investi une usine d'armement entre les mains des rebelles. Ça serait dommage pour les autres pays d'Afrique. Si on veut des usines, le Mali en avait déjà. Il y avait peut-être une usine d'armement dans la localité de Merkala, mais c'est des armes légères. On pourra approfondir, ça peut s'étaler sur toute l'étendue du territoire malien, mais permettez que le Mali aujourd'hui se dote des moyens pouvant sécuriser, en tout cas, une telle réalisation et d'autres réalisations que l'on fait. Je vous remercie. Afrique Média, le monde, c'est nous.